parler toute la journée, la Claude. Olé ! La Claude. Olé ! Elle a pris sa petite voiture, direction le salon blanc d'agriculture. Et la Claude. Olé ! La Claude. Olé ! Pour trouver un beau taureau qui fera un petit veau. La Claude. Olé ! La Claude. Olé ! Présenter au fermier son magnifique bovidé. La Claude. Olé ! La Claude. Olé ! Que depuis des jours heureux avec son bel amoureux. La Claude. Olé !